Un enlèvement qui n'en est pas un. Un tueur incapable de tuer un agneau. Un service secret qui joue au chat et à la souris avec un juge d'instruction. Un président de la République personnellement impliqué dans un roman noir de série B. Tels sont les ingrédients d'un curieux cocktail. Quelques-uns en tout cas d'une affaire particulièrement embrouillée qui a fait les beaux titres des journaux il y a 15 ans. L'affaire Virgile Thanase. Nous y venons tout de suite avec Monsieur X qui m'a proposé une lecture complètement nouvelle de cet extravagant dossier. Il m'est arrivé de rêver à ce qui resterait de la version officielle d'un certain nombre d'événements vécus au cours des 50 dernières années si on y intégrait les produits de quelques opérations de contre-espionnage et les réflexions auxquelles elles ont conduit. Admettez, vous qui commencez à connaître mon interlocuteur, que M. X, qui soutient régulièrement qu'il existe toujours deux vérités, l'officielle et l'officieuse, pourrait bien être l'auteur de ces lignes. Eh bien non, ce n'est pas lui, mais Marcel Chalet, un ancien directeur du contre-espionnage français, la DST, celui-là même qui était en poste au moment de l'affaire Thanase. Et j'y ai vu naturellement plus qu'une coïncidence. Monsieur X, de toute évidence, a appartenu à ce même monde de l'ombre. Et semaine après semaine, il m'apporte de nouvelles preuves de sa connaissance d'affaires particulièrement sensibles et secrètes. Il m'en a donné un témoignage particulièrement éloquent lors de notre dernier rendez-vous. Le dossier Thanase, donc. Et d'abord, qui est ce Virgile Thanase? C'est un écrivain d'origine roumaine. Il est né en 1945. Auteur turbulent et non conformiste, opposé au régime dictatorial et népotique de Nicolas Ceaușescu, ce dissident choisit en 1977 de se réfugier en France. Deux ans plus tard, on lui accorde la nationalité française. Sur notre territoire, il continue à sa manière à lutter contre Ceaușescu en animant par exemple une ligue pour la défense des droits de l'homme en Roumanie. À ses côtés, un autre écrivain dissident, Paul Goma, on le retrouvera plus tard. En janvier 1982, Virgile Thanase publie dans le magazine Actuel un violent article contre le dictateur roumain sous le titre « Sa Majesté Ceaușescu Ier, roi communiste ». Dans sa diatribe, Thanase cite un de ses confrères, Alexandru Ivasiuk. « Nous sommes 22 millions d'hommes et de femmes à vivre dans le subconscient d'un fou. Ce fou, c'est Ceaușescu, le génie des Carpates, le Danube de la pensée, comme il aime à se faire appeler. Thanase écrit encore que le pouvoir du Parti communiste est vécu comme une forme d'occupation étrangère. La Roumanie, affirme l'écrivain, vit depuis 35 ans à l'heure de Vichy. » 4 mois après la publication de ce pamphlet, Thanase disparaît en plein Paris. Et chacun aussitôt d'imaginer que c'est la terrible Securitat qui l'a enlevé. Car il y a des précédents. D'autres dissidents, originaires de Roumanie ou d'autres pays du bloc soviétique, ont déjà été enlevés ou tués par les services secrets de l'Est. On se souvient des fameux parapluies bulgares qui ont servi à éliminer opposants ou dissidents. Et récemment, en février 1982, un journaliste français, Bernard Poulet, a été roué de coups par des inconnus alors qu'il enquêtait sur la disparition d'un syndicaliste roumain, Vasile Parachif, étrangement disparu après qu'il eut dénoncé à Paris l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Quelques jours plus tard, François Mitterrand donne une conférence de presse. On lui pose une question sur la disparition de Virgile Thanase. Le président de la République répond que s'il était démontré, hypothèse tragique, que M. Thanase a disparu pour ne pas reparaître, cela entamerait sérieusement la nature des relations entre la Roumanie et la France. Or, justement, le président français doit se rendre en Roumanie dans peu de temps. Voyage qui sera finalement annulé à cause de l'affaire Thanase. Ce qui est plus étonnant, c'est que lorsque François Mitterrand fait cette réponse aux journalistes, il sait déjà que Thanase est à l'abri et ne risque donc plus rien. Jacques Attali, dans le premier tome de son verbatim, l'atteste formellement. Le président a donc menti sciemment. Pour cacher quelle opération? Pour dissimuler quel secret d'État? C'est un des mystères de ce dossier. Nous l'ouvrons dans un instant avec Monsieur X. Life is hard, and so am I. You better give me something, so I don't die. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Écoutez, je vais tout de suite vous faire une confidence. J'ai eu le plus grand mal à y voir clair dans cette affaire Thanase. Pourquoi c'était tellement embrouillé ? Embrouillé, oui. Mais ce n'est pas la vraie raison. La réalité, c'est que l'enlèvement de Virgile Thanase dissimulait une machination tellement tortueuse qu'on l'a tenue rigoureusement secrète. Et alors, il m'a fallu beaucoup de persuasion pour obtenir un minimum de tuyaux. Je croyais pourtant que vous aviez... des amis très haut placés dans le monde du renseignement. C'est vrai, mais il y a des dossiers sur lesquels on n'a pas forcément envie de s'exprimer et où on répugne à reconnaître sa responsabilité. Ouais, d'accord, mais... Alors, par où on commence, là ? Par le début, naturellement. Le 20 mai 1982, Thanase quitte son domicile du quartier de la Bastille. Il a dit à sa femme, Doina, qu'il a un rendez-vous au jardin du Luxembourg. Un rendez-vous avec qui ? Un type qui devait lui remettre une traduction. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Doina Thanase. Ouais, vous semblez mettre en cause cette version. Bien sûr, parce que cette histoire est tout entière cousue de fil blanc. Et Doina connaissait la vérité, enfin une partie de la vérité au moins. Donc Thanase sort de chez lui, il remonte le boulevard de la Bastille et prend la première rue à droite. Soudain, deux hommes bondissent d'une voiture garée le long du trottoir. Ils sautent sur Thanase et l'embarquent dans l'auto qui démarre aussitôt. Ça ressemble vraiment à un kidnapping, hein ? Exact. Et d'ailleurs, et c'est capital, la scène a été vue par quelques témoins qui pourront confirmer plus tard que l'écrivain était réellement enlevé. Ouais. En fait, selon vous, il s'agit d'un simulacre. Tout à fait, mais poursuivons. Le soir même, Doina se présente dans son commissariat de quartier. Deux hommes l'accompagnent. Qui ? Des inspecteurs de la DST. Tiens. Mais ça, on ne l'apprendra que plus tard. Ah, mais... Beaucoup plus tard. Donc la femme de Thanase signale la disparition de son mari, mais le planton de service lui demande de repasser le lendemain. Il faut dire qu'à l'époque, on est plutôt méfiant lorsqu'il s'agit d'enlèvement d'écrivains. D'enlèvement d'écrivains, mais pourquoi ? Souvenez-vous, quelque temps plus tôt, ce pitre de Jean Edernalier a simulé son enlèvement pour mieux vendre son dernier livre. Ah, j'avais oublié celui-là. Oui. Bon, vous comprenez. Alors, dans le cas de Thanase, très vite, on se rend compte qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Parce que Thanase est d'origine roumaine. Oui, et qu'on sait que la Securitate ne recule devant aucun moyen pour faire taire les opposants de Ceausescu. Donc, la police enquête. Et la justice est saisie. Une information est ouverte pour arrestation illégale et séquestration arbitraire. Et un juge d'instruction est saisi. Un certain Jean-Louis Debré. Ah oui, futur ministre de l'Intérieur. Et rétrospectivement, ça ne manque pas de sel. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Attendez, avant de poursuivre, je voudrais savoir si cette affaire a attiré votre attention à l'époque. Vous voulez dire au moment où l'on a annoncé l'enlèvement de Tanner. Oui. Bon, il m'aurait été difficile de l'ignorer. Parce que tout de suite, cette affaire a fait du bruit. Beaucoup de bruit. Alors oui, par force, je m'y suis intéressé, mais pas pour la raison que vous imaginez. Ah, expliquez-moi. Bien, il y a déjà longtemps que je suivais de très près les affaires roumaines. Je me souviens que vous m'avez déjà parlé d'un réseau d'espionnage. Oui, le réseau Caraman. Oui, puis il y a eu aussi, mais enfin ça c'est autre chose, votre expédition au pays de Dracula. C'est juste. Et curieusement, au cours de ce premier semestre de l'année 82, il se passait pas mal de choses en Roumanie. Et surtout une gigantesque purge dans les hautes sphères du parti. Sous quel prétexte ? Des dizaines de dirigeants affiliés à une secte auraient comploté contre le régime et tenté de renverser Ceausescu. Ça, c'était sérieux ? Non. C'était le type même de la purge stalinienne. On se débarrasse de ses anciens amis pour mieux asseoir son pouvoir et terroriser ceux qui auraient la tentation de vous manquer. Et soudain, alors que la purge vient d'être consommée en Roumanie, l'affaire Tanaz éclate à Paris. Donc, vous êtes demandé s'il y avait un rapport ? Exactement. Et il y avait un rapport ? Oui, mais je ne l'ai compris que bien plus tard. Et je vous expliquerai. Allez, encore des mystères. Non, je veux simplement respecter la chronologie. Alors, allez-y. Donc, le juge Debré enquête, mais très vite, il se rend compte qu'il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. À part les témoins de l'enlèvement lui-même, rien. Aucune trace de Tanaz. Pas de revendication, pas de demande de rançon. Alors, il entend longuement Doina Tanaz. Et il demande aussi aux inspecteurs de la brigade criminelle d'en faire autant. Mais pourquoi cet acharnement contre cette pauvre Doina ? Parce qu'il lui semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Une intuition, si vous voulez. Et les policiers ont eux aussi la même impression. Mais sans indice particulier. Oui. Alors le domicile de Doina Tanaz est placé sur écoute. Et tout de suite, les enregistrements effectués montrent des anomalies. Mais ce qu'il veut dire ? Eh bien, la ligne de téléphone semble brouillée. Il y a des bruits bizarres. Mais c'est tout. Et les jours passent. Mais heureusement, Doina Tanaz va faire une erreur. Et une petite partie de la vérité va se faire jour. C'est long. Monsieur X a raison lorsqu'il affirme que l'affaire Thanase fait du bruit. D'ailleurs, plus tard, Thanase lui-même s'étonnera. À aucun moment il n'avait imaginé que son enlèvement pourrait provoquer autant de tintamarres. Des manifestations sont organisées devant l'ambassade roumaine. La Fédération internationale des droits de l'homme publie un communiqué vigoureux et des intellectuels se déclarent solidaires de Thanase et accusent Ceausescu et son régime dictatorial. Les Roumains, mis au pied du mur, doivent enfin réagir. 20 jours après la disparition de Thanase, l'ambassade publie un communiqué écrit dans le plus pur jus stalinien. La Roumanie n'est pas impliquée, sous quelque forme que ce soit, dans l'affaire Virgile Thanase. Toute cette campagne qui s'est déchaînée en France n'est qu'une inqualifiable provocation, mise en scène et menée par des milieux hostiles de l'émigration roumaine, de pair avec d'autres milieux qui ne voient pas d'un bon œil le développement des relations roumano-françaises. Toutes les spéculations concernant l'implication de la Roumanie sont dépourvues de tout fondement. D'autre part, en parcourant la presse de l'époque, j'ai noté qu'à plusieurs reprises, on a évoqué les rapports que l'écrivain aurait entretenu avec la DST dès son arrivée en France en 1977. Des rumeurs propagées d'abord par des émigrés roumains, puis reprises par plusieurs journalistes. Mais revenons au récit de M. X. Je l'ai interrompu au moment où il me disait que la femme de Thanase, Doina, allait commettre une erreur décisive. Un jour de juin, elle décroche le téléphone, compose un numéro. À l'autre bout du fil, un homme répond. La conversation est très brève et relativement anodine. Mais ça a suffi pour que le numéro que Doina a composé soit repéré. Aussitôt, on fait les vérifications nécessaires et on découvre qu'il s'agit d'un numéro attribué à la DST. Embarras des flics, enfin des enquêteurs. Et encore plus embarras du juge d'instruction. Mais chez Debré, il doit y avoir plus de colère que d'embarras, enfin, c'est ce que j'imagine. Parce qu'il est obligé de penser qu'on se moque de lui. Et que depuis le début, certainement, lui cache la vérité. Alors, que fait Debré ? Bien, lui aussi compose le fameux numéro de téléphone. Ah oui. Et il a au bout du fil ce fonctionnaire de la DST auquel Doina Thanase a parlé. Oui, et Debré exige de le voir tout de suite. Ouais, fâché. D'habitude, quand un juge veut interroger un type de la DST, on lui oppose, c'est classique, on lui oppose le secret défense. Hein. Il y a des précédents très célèbres. Oui, vous avez raison. Mais en l'occurrence, Debré doit empêter pour obtenir la vérité. Enfin, quand je dis la vérité, c'est un aspect de la vérité qu'on lui révèle. Et encore, on lui interdit d'en faire état officiellement dans son enquête. En somme, on se contente de satisfaire sa curiosité. C'est à peu près ça, ah, oui. Alors racontez. Ce fonctionnaire donc, de la DST explique que Virgile Thanase faisait l'objet de menaces de la part des services roumains. Ouais, la Securitate. La Securitate, oui. Alors pour le protéger et avec son accord, on l'a escamoté. Naturellement, sa femme est au courant. Elle sait même où son mari est caché. Et là, Debré tombe des nues. À peu près, oui. D'autant qu'on lui dit que les plus hautes autorités de l'État sont au courant. Donc... Il laisse tomber. Bon, en tout cas, il peut partir en vacances tranquillement. Mais il n'est pas encore au bout de ses surprises. Parce que le scénario est particulièrement rocambolesque. Et parce que bientôt, un personnage inattendu va sortir du chapeau de la DST. Mais enfin, n'allons pas trop vite et revenons un petit peu en arrière. Ah, vous êtes coutumier du fait. Hein. Eh oui, que voulez-vous ? Faut bien ménager un peu de suspens. Non, je plaisante. Attendez, à mon tour de revenir en arrière. Ces incidents bizarres sur la ligne téléphonique de Doina Thanase, qu'est-ce que c'était au juste ? Vous n'avez pas deviné ? C'était tout simplement des tentatives de brouillage de la DST. La DST qui surveillait, bien sûr, jalousement la ligne des Thanase et essayait d'éloigner tous les importuns. D'accord. Alors, maintenant, à vous de revenir en arrière. Eh bien, c'est en avril 1982, plus d'un mois avant son faux enlèvement, que la DST a contacté Thanase. Et pour quelle raison ? On lui dit qu'un article qui a publié dans Actuel lui vaut la colère de Ceausescu. Le dictateur s'estime diffamé, lui et sa famille. Et il a décidé de liquider Thanase. Pour un simple article. Il faut avouer que Thanase n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Donc, Ceausescu voulait se venger, c'est ça ? Oui. Enfin, c'est ce que les hommes de la DST disent à Thanase. Et Thanase les croit. Tout de suite, que voulez-vous ? Ça a peut-être flatté son égo. Apprendre qu'un chef d'État a décidé personnellement de se débarrasser de vous. Ouais, flatteur peut-être, mais enfin pas très rassurant. Mais c'est pourquoi Thanase accepte sans beaucoup d'hésitation la proposition de la DST. On va vous protéger, pour cela, on va vous mettre au vert. Et puis, lui dit-on, soyez rassurés, en haut lieu, on est au parfum. En haut lieu ? Au gouvernement. Mais est-ce qu'on donne à Thanase des informations sur les tueurs qui doivent l'abattre ? On lui dit que c'est un agent roumain, un certain Monsieur Z. Monsieur Z, Monsieur X. Eh oui, mais j'y peux rien, c'est la vérité. Une seconde encore, je me pose une question. Si le tueur est identifié, donc surveillé par la DST, il est facile de l'intercepter, en tout cas. Bon, c'est pas la peine de cacher Thanase. Excellente réflexion que je me suis faite moi aussi. Et vous en avez tiré quelle conclusion ? Que quelque chose était louche et qu'il y avait une manipulation secrète. Ouais. En tout cas, Thanase, lui, il avale tout ça. Oui, parce qu'on lui dit qu'il s'agit de piéger les Roumains. Et d'ailleurs, lui dit-on, vous n'êtes pas le seul sur la liste de Ceausescu. Un de vos amis, Paul Goma, est aussi dans la ligne de mire du dictateur. Ouais. Alors lui aussi, Goma, on va faire semblant de l'enlever ? Non, non, on va inventer une histoire encore plus extravagante. Écoutez bien. Goma doit être empoisonné. Par ce fameux Monsieur Z. Oui, alors on va le laisser faire, mais au moment où Goma s'apprêtera à boire le poison, un quidam interviendra, bousculera Goma et lui renversera son verre. Écoutez, ça, c'est du très mauvais roman. Oui, hein. Du très très mauvais roman. C'est pourtant ce scénario que les inspecteurs de la DST vont exécuter jusque dans les moindres détails. Avec l'accord de Goma. Bien entendu. Mais quel est l'intérêt de tout ça ? Ben voilà la question importante. De quoi s'agit-il exactement ? Piéger la Securitat, comme on l'a dit à Thanase. D'accord. Mais dans ce cas, il suffisait d'arrêter ce monsieur Z, de recueillir ses aveux et de les rendre publics. Ça me semble logique. Donc il y a autre chose. Et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux lorsque vous saurez que ce monsieur Z, qui s'appelait en réalité Matei Aïdoukou, était depuis longtemps un agent double et qu'il était manipulé par la DST. Nous allons bien sûr longuement reparler de ce Matei Haïdoukou, alias Monsieur Z. Voici ce qu'en dit Thierry Volton, un journaliste spécialisé dans les affaires d'espionnage. Haïdoukou, capitaine de la Securitat, se trouvait en France depuis 7 ans. Il avait été recruté par la Securitat dès sa sortie de l'université en 1969. Il a alors travaillé dans l'entreprise roumaine Mécano Export-Import tout en suivant les cours d'une école d'espionnage. Là, de son propre aveu, il a tout appris, comment déjouer les filatures, comment fabriquer un appareil photo à micro-point à l'aide d'un simple capuchon de stylo bic, comment utiliser du carbone blanc, etc. Ainsi préparé, Haïdoukou est expédié en France en 1975. La Securitat lui a fabriqué un passé de contestataire, ce qui lui permet de contacter immédiatement les milieux émigrés roumains. Et comme il proclame haut et fort son aversion pour le régime de Ceausescu, l'administration française lui octroie rapidement un statut de réfugié. En même temps, il entre comme agent technico-commercial dans une société de robinetterie industrielle qui travaille pour Roissy, mais aussi pour des centrales nucléaires. Un poste de choix pour un espion. Haïdoukou, toujours d'après Volton, envoie effectivement des informations de premier plan à sa centrale. Mais en 82, tout change. La Securitat veut faire de son espion un tueur. À la faveur d'un séjour en Roumanie, ses chefs lui donnent l'ordre de se débarrasser de deux opposants, Tanaz et Goma. Toutefois, Haïdoukou renâcle. Espionner, d'accord, mais tuer, non. Il ne se sent pas la vocation d'un exécuteur. Pourtant, il feint d'accepter sa mission. Mais aussitôt arrivé en France, il va tout raconter à la DST. La DST qui, pour donner le change à la Securitat, exécute un faux empoisonnement de l'écrivain Paul Goma et organise le pseudo-enlèvement de Tanaz. Cette thèse, qui reprend exactement celle de la DST, figure donc dans le livre de Volton, Le KGB en France, livre paru chez Grasset en 1986. Mais nous avons entendu M. X. D'après lui, Haïdoukou était depuis longtemps un agent double, espion de la Securitat, d'accord, mais aussi collaborateur de la DST. Donc d'après vous, si j'ai bien compris, c'est donc la DST qui est au cœur même de la manipulation. Bien sûr, et je vais vous expliquer pourquoi, car ça explique tout. Mais revenons un instant sur ce monsieur Z, alias Haïdoukou. Soudain, à la fin du mois d'août, il apparaît en pleine lumière. Et il n'est pas seul, car il est entouré de Tanaz et Goma. C'est deux supposées cibles. Oui, oui. Ensemble, ils donnent une conférence de presse dans les locaux du journal actuel. De plus en plus rocambolesque. Et ils expliquent tout ? Enfin, ce qu'ils connaissent, oui. Parce qu'ils ne savent qu'une partie de la vérité. Bien sûr. Ce qui veut dire qu'on s'est servi d'eux. Exactement. Et autant vous le dire tout de suite, dans le trio, il y en a un qui m'a paru très curieux. Haïdoukou ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce que ce type, c'était évident, n'était pas un tueur. Justement, il a refusé d'exécuter le contrat. Sans doute. Enfin, moi aussi, je connaissais bien les types de la Securitat. Je les imaginais mal choisir un tueur amateur ou un tueur avec état d'âme. Non, je vous assure que lorsqu'il le voulait, il disposait de professionnels très qualifiés et sans problème de conscience. Moi, j'avoue que dans votre histoire, là, je suis de plus en plus perdu. Mais rassurez-vous, j'étais à peu près dans la même situation que vous lorsque j'ai pris connaissance de cette affaire. Alors j'ai cherché, et j'ai cru trouver une première piste. Comment ? Grâce à une indiscrétion de l'un de mes amis de la DST, car tout ce n'était quand même pas muet. Alors je vous écoute. Eh bien, l'opération n'aurait été qu'un écran de fumée. Et dans l'affaire Goma et Tanaz n'aurait compté que pour du beurre. Et puis après tout, ni l'un ni l'autre n'était Victor Hugo. Quant à Haïdoukou, le fameux Monsieur Z, ce n'était qu'un modeste capitaine de la Securitat. Du menu fretin, ça. C'est un peu ce que vous m'avez laissé entendre tout à l'heure. D'accord. Mais laissez-moi poursuivre. En fait, d'après ce que m'a dit mon ami, le véritable objectif, c'était un autre homme, un très gros gibier. Qui ? Le patron de la Securitat lui-même, le général Plessita. Et dans un premier temps, au moins, ça m'a paru assez crédible. Alors, expliquez à nouveau. Volontiers. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une purge venait de décimer l'élite du parti roumain. Et les chefs de la DST auraient acquis la certitude que le général Plessita était prêt à faire défection. Défection, c'est-à-dire passer à l'ouest. Oui, comme son prédécesseur, le général Papeka, qui avait fui la Roumanie en 1978, avec l'aide de la CIA. Mais Plessita hésitait encore. Alors, on va lui forcer la main. Comment ? En organisant le faux enlèvement de Tanaz. Et surtout, en faisant croire que c'est la Securitat qui est coupable. Pourquoi ? Eh bien, pour provoquer des remous à Bucarest. Expliquez, mais soyez plus clair. Bien, si la Securitat est accusée de préparer des assassinats en France, au risque de créer de graves incidents diplomatiques, c'est son chef qui est déstabilisé, son chef qui peut redouter d'éventuelles retombées. Et quand on vit sous la férule d'un dictateur aussi féroce que Ceausescu, tout est à craindre, n'est-ce pas? Donc si je vous suis bien, on suscite la panique chez ce chef de la Securitate. Oui, pour le forcer à prendre sa décision et passer enfin à l'Ouest. Ouais, mais si je me souviens bien, le général Plesita n'a pas fait défection. Hein. Non, et pour mon ami de la DST, c'est à cause des fuites qui ont révélé prématurément l'affaire du faux enlèvement. Avant que Plesita ne prenne le large. Des fuites qui ont saboté l'exfiltration de Plesita en donnant l'alerte aux autorités roumaines. C'était du moins la thèse de mon informateur. Mais est-ce que ces fuites ont eu réellement lieu? Assurément. Dans les jours qui ont précédé la réapparition de Tanaz et sa conférence de presse en compagnie de Heydoukou et de Goma, plusieurs journalistes savaient. Et tenez-vous bien, certains d'entre eux avaient été informés par le président de la République en personne. Mitterrand? Et ça paraît incroyable, non? C'est pourtant la vérité. Et au fond, c'est cela qui m'a permis réellement de comprendre. Ça mérite quand même une explication, ça. Volontiers. Voyez-vous, quand un service secret prépare une opération aussi importante que la défection du numéro 1 d'un service adverse, il en informe obligatoirement les plus hautes autorités de l'État. Ouais, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, Premier ministre et éventuellement président de la République. Oui, et vous imaginez ces personnages allant raconter à des journalistes... Vous ne connaissez pas la dernière? Voilà ce que la DST prépare. Non, non, c'est complètement invraisemblable. Et pourtant, vous m'avez dit qu'il y avait des fuites, alors. Des fuites sur le faux enlèvement de Virgil Tanaz, oui, mais pas sur autre chose. Et pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait rien d'autre. Cette opération Plesita, c'était du pipeau, de la pure intoxication. Je veux bien l'admettre, mais alors pourquoi tout ça? On est en 1982. Bien. Les socialistes sont au pouvoir depuis l'année précédente. Et à la DST, comme au SDEC, on n'emmène pas large. Peur de faire l'objet d'une purge. C'est... Tout à fait. Oui. Les gens de la DST n'avaient pas bonne réputation à gauche. Et ils avaient sans doute raison de croire que le pouvoir ne leur ferait pas de cadeau. Faut pas oublier qu'avant même l'élection présidentielle, des militants socialistes, et pas n'importe lesquels, avaient réclamé un solide nettoyage de la DST. Ils accusaient en effet le contre-espionnage de se livrer à des opérations de basse police. Et puis bon, avouons-le, à la DST, on n'était pas spécialement de gauche. Ouais. Et Mitterrand n'aimait pas beaucoup la DST non plus. Enfin, il y avait aussi l'affaire des plombiers du Canard Enchaîné. Hein. Et celle de Roger Delpay, le confident de Bokassa qu'on a mis à l'ombre pendant 6 mois à cause de l'affaire des diamants. Ça, je me souviens. Ouais. Ouais, ça. Bon, si ça vous intéresse, un jour, je vous en parlerai plus longuement. Donc, la DST, malgré la réussite de l'opération Farewell, a l'impression à tort ou à raison d'être dans la ligne de mire du pouvoir. Ouais. Et elle décide de se donner le beau rôle. C'est ça. Et il faut faire vite parce qu'il y a concurrence dans la boutique. Le SDEC en face, là. Non, la cellule antiterroriste de l'Elysée. Un bidule monté par des gendarmes. Une horreur pour les flics de la DST qui, comme tous les flics de France, ne supportent pas les gendarmes. Vous exagérez un peu, peut-être. Non, et vous le savez très bien. Donc, à tout point de vue, la DST se sent menacée. Et elle monte ce magnifique bateau avec l'aide de ce tueur d'opérette, le fameux Monsieur Z, et avec la complicité involontaire de Tanaz et de Goma, afin de pouvoir dire au gouvernement, vous voyez, comme nous sommes efficaces. Oui, mais attention, tout ça n'est qu'une hypothèse. Hein. Ah, vous croyez? Eh bien, réfléchissez à ceci. Tanaz réapparaît fin août au cours de cette rocambolesque conférence de presse dans les locaux d'Actuel. Et 2 jours plus tôt, 2 jours seulement, l'Élysée a publié un communiqué triomphant annonçant un grand succès de la cellule du colonel Proutot dans la lutte contre le terrorisme international. L'affaire des Irlandais de Vincennes? Oui. La DST ne pouvait pas savoir que c'était une affaire bidon. Et il fallait qu'elle réagisse au plus tôt. 2 jours plus tard, Tanaz réapparaît. Coucou, me voilà. Et si j'ai échappé au tueur de Ceausescu, c'est grâce à la DST. C'est clair maintenant. Pour une fois, je dois reconnaître que je n'ai rien trouvé qui puisse accréditer la thèse de M. X. Des doutes sur l'authenticité de l'affaire, oui, il y en a eu. Il suffit de lire les journaux de l'époque. Ce titre de Libération, par exemple. Une affaire d'espionnage à la Tintin, menée de A jusqu'à Z par la DST. Coup tordu ou coup de maître? Belle embrouille, en tout cas. Mais nulle part, je n'ai lu que la DST aurait pu monter cette affaire pour redorer son blason. Bien au contraire, son chef de l'époque, que j'ai cité au début de cette mission, Marcel Chalet, écrit dans son livre de mémoire, Les Visiteurs de l'Ombre, que l'objectif de l'opération était bien le général Plesita. Je résume son propos. Le transfuge Heydoukou vient informer la DST qu'il est chargé de tuer les 2 dissidents, Goma et Tanaz. Aussitôt, une section spécialisée de la DST met au point une classique opération de contre-espionnage. Il s'agit de feindre d'abord un attentat manqué contre Goma, puis un réel enlèvement de Tanaz. Pourquoi? Pour faire croire aux Roumains que l'agent Heydoukou a accompli sa mission. Puis, on révèle spectaculairement l'échec de ces deux attentats, de telle façon qu'à Bucarest, le commanditaire de l'opération, le général Plesita, soit amené à fuir à l'ouest pour échapper aux représailles. Mais malheureusement, une indiscrétion fait capoter l'affaire. Êtes-vous convaincu ? Moi, pas tout à fait. Autre chose. Dans cette affaire, le juge d'instruction, Jean-Louis Debré, a rendu une ordonnance de non-lieu en décembre 82. Il reconnaît l'implication de la Securitat, mais ne cache pas que le comportement de la DST l'a agacé. 13 ans plus tard, ministre de l'Intérieur, il sera le patron de cette DST. Un dernier mot. Un auditeur attentif du Puy-de-Dôme, M. Claude Mournetas, m'a récemment écrit pour me demander si M. X ne pourrait pas être Constantin Melnik. Melnik, je vous le rappelle, a été conseiller du Premier ministre Michel Debré pour les affaires de renseignement pendant la guerre d'Algérie. En fait, c'était le véritable patron du renseignement. Et il a joué un grand rôle dans l'affaire de la main rouge dont nous avons parlé avec M. X il y a quelques semaines. Depuis, Constantin Melnik a publié de nombreux ouvrages sur le renseignement. Mais, désolé M. Mournetas, même si M. X s'appelait Melnik, je n'aurai pas la possibilité de vous le confirmer, car mon interlocuteur m'a menacé d'arrêter illico notre série d'entretiens si son anonymat n'était pas respecté. Sans rancune, et à samedi prochain.